maintenant. Skyrock, Planet Rap. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go! Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Ali. C'est Ali. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Ali, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, c'est parti pour un nouveau Planet Rap, quatrième soirée avec Ali. Comment va? Très bien. En pleine forme? Merci. Que la paix soit sur vous, ça approche, hein, mine de rien, c'est lundi. C'est lundi. Lundi 2 mars dans les bacs. Une grosse soirée en perspective, on va parler beatmaker, beatmaking ce soir. Ouais, c'est un thème, on va dire que la semaine est dédiée au beatmaker aussi. Il y a vraiment une évolution, une ouverture au niveau de la musique et la musicalité surtout, à travers cet album. Donc j'ai voulu défendre, comme j'avais défendu dans le Planet Rap précédent, pour le rassemblement, c'était le MCing. Donc j'avais invité beaucoup de MC de talent. Une sacrée affiche. Équipe. Et là aujourd'hui, j'ai envie de mettre vraiment... à l'honneur les beatmakers, on n'en parle pas assez. C'est un élément essentiel, le beatmaking, à sa part entière dans le hip-hop, comme le graffiti, ça en fait partie. C'est vraiment un moyen d'expression magnifique. Et aujourd'hui, il y a des frères qui seront là pour s'exprimer, nous montrer leur adresse, comme on dit. On va les présenter. Il y a un maître S-Rap qui était aussi avec nous, rap et d'ailleurs musique, pas que rap. Hein, on vous le présentera aussi dans un instant. Mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans le Planet Rap d'Ali. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. On va parler de cet album avec notamment le titre avec lequel on ouvre. Il s'appelle Dialogue, c'est un morceau important de l'album. C'est un morceau très important, aussi bien dans la thématique que dans la construction musicale, dans le beatmaking, dans la couleur. J'ai bien aimé la dynamique. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Planet Rap. Dialogue sur Skyrock. Et puis on l'a dit, Ali, évidemment, c'est une carrière. Mais t'es aussi conscience qu'il y a des gens qui vont te découvrir, Ali. Ouais. Enchanté. Ça t'y pense aussi, enchanté. Parfois. Ouais, bien sûr. Voilà comment j'ai envie de leur expliquer ma musique, comment on doit prendre mon album, mes morceaux. C'est pas des questions que je me pose. Tu vois. Non. C'est, à un moment, la musique et l'art en général, c'est comme une peinture, tu laisses la personne l'interpréter, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est comme une lecture. Chacun va lire le livre différemment. À l'heure où sur l'Irak pleuvent les missiles, j'arrive avec la paix pour missive. Ma troupe est massive, j'ai trouvé ma cible. Chante l'ignorance en pleine tête. Mafia. À l'heure où sur l'Irak pleuvent les missiles, j'arrive avec la paix pour missive. Ma troupe est massive, j'ai trouvé ma cible. Chante l'ignorance en pleine tête. Planet Rap. Mafia. Qu'est-ce qui t'avait poussé d'ailleurs à écrire là-dessus à l'époque quand tu avais fait ce morceau il y a 5-6 ans maintenant? Il y a beaucoup de choses, tu vois. Déjà à l'époque Time Bomb, on avait la fameuse époque Black Mafia, ouais. Tu vois. Et c'était encore pour remettre les choses dans l'ordre. C'était comme la transition, le crime est un piège, mon Dieu m'a fait lâcher la pas. Ouais, le crime est un piège, mon Dieu m'a fait lâcher la pas. Et voilà, c'est la même transition. C'est un moment réexpliquer les choses. C'est comme aussi Génération Scarface, c'était prendre le truc à contre-pied et dire non, c'est pas une bonne chose, tu vois. Mais le dire d'une façon sans jugement. Planet Rap. C'était hier soir. Planet Rap. En direct sur Skyrock. Ni intégré, ni intégriste. J'ai juste intègre au truc. Pourquoi cette terre triste? Cette vie n'est juste qu'un test. Tolérance zéro. Intolérance au plus haut degré. Ni intégré, ni intégriste. Juste intègre au truc. Pourquoi cette terre triste? Cette vie n'est juste qu'un test. Pour mes négros et picots, c'est tolérance zéro. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planet Rap avec Ali. Que la paix soit sur vous, sortie de l'album. Et on le disait là il y a quelques minutes, donc une soirée spéciale consacrée à ceux qui font les sons, sur lesquels tu peux rapper, évidemment t'exprimer. Toi t'as pris conscience donc, d'ailleurs quand t'as commencé à rapper, parce que il y a plein de mecs d'ailleurs dans le rap qui au début même ont du mal à poser sur les temps. Enfin c'est un apprentissage aussi. C'est un apprentissage. Ça au début ça se fait un peu naturellement. Tu vois, vu qu'on est avec un peu ce qu'on appelle le yaourt, on va dans des flots qui vont un peu dans tous les sens. Donc c'est assez spontané, c'est très très effervescent, c'est pas assez abouti, c'est pas recherché, mais c'est très naturel. Et avec le temps, quand on veut vraiment approfondir l'art et les techniques, là, il y a le temps, il y a le timing. Il y a même des rappeurs qui rappaient hors temps, mais pour qui c'était un véritable talent. Et avec le temps, ça, c'est un véritable apprentissage, ça demande du temps. T'as essayé d'ailleurs de t'y frotter un petit peu aussi? C'est faire du son, de faire du son. Faire du son, oui. À un certain moment, j'avais acheté une MPC et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le rapport avec les pads et on retrouvait vraiment cette rythmique qu'on peut avoir sur un djembé ou sur une delbuka. Vraiment, on est en train de, on a un côté vraiment un rythme, donc qu'on n'a pas avec forcément avec d'autres machines. Je me rappelle avec les premiers Zakai, il fallait appuyer sur des boutons, recommencer. Tandis que là, avec la MPC, on était vraiment dans cette rythmique que j'aime beaucoup. Donc j'ai essayé ça pendant un certain temps. C'est pas que ça m'a déplu, mais c'est que à un moment c'était un choix à prendre. Je voyais que je commençais un petit peu à m'éloigner de mon écriture et vu que c'était quelque chose de très important pour moi, je me suis détaché du beatmaking pour vraiment approfondir ce que j'aimais et préférer l'écriture. Bon, on va présenter en tout cas les beatmakers qui sont là ce soir dans l'émission. Et puis tu es venu aussi avec une sommité. Alors j'ai invité une fois de plus et merci d'avoir répondu, d'être venu aussi vite parce que je l'ai appelé aujourd'hui, donc il faut le dire. Et c'est là qu'on reconnaît les gens bien. Je te remercie. Merci de l'invitation, Ali. Merci. Monsieur Olivier Cachan. Je l'ai appelé aujourd'hui, hein. Il est venu. Je lui ai proposé à la dernière minute, est-ce que tu peux venir ? Il m'a dit oui, donc merci d'être venu. Ça va bien, Olivier ? Très très bien, merci. Plaisir de te recevoir ici sur Skyrock. Ça fait un petit moment sur Skyrock. Mais oui, ça faisait un moment. Ça faisait un petit moment que t'étais pas venu nous apporter justement, Olivier, que t'as dû connaître au tout début aussi dans le rap avec son émission Rapline, évidemment. Émission mythique. Qui était diffusée dans les années 90, hein, on ne cesse de le répéter, mais à l'époque, il y avait du rap. Le samedi soir tard. Ça existait sur M6 à l'époque. Ça va bien, Olivier ? Très très bien, ouais. Et puis ravi pour le sujet. Le beatmaking, c'est intéressant. C'est effectivement, comme le rappelait Ali, une des, peut-être pas une discipline, mais en tout cas une des matières qui font que le rap français est ce qu'il est. Parce que c'est bien d'avoir des MC qui ont des flows, qui savent poser. Mais c'est bien aussi d'avoir des gens derrière qui sont capables d'habiller un petit peu, comme des couturiers de la stéréo, les mots. Bon, tu vas nous donner ton éclairage justement là-dessus. On présentera les beatmakers, je le disais. Puis on débute avec un morceau extrait d'album, Que la paix soit sur vous. Oui. Comme d'hab, le dialogue. Dialogue. Important. Très important. Allez, c'est parti. La vie n'est pas un monologue, adorateur du créateur, commandement 1 du décalogue. Du chemin que se poussent les démagogues, nos gosses n'ont pas besoin de mythos mais de bons pédagogues. Pas de paix face à Gog et Magog, mon corps vogue, l'esprit aiguisé comme Ghost Dog. Pas de ces beaucoup de tragédies à la Van Gogh. Vers la porte de l'éternité, nos destins s'engagent. Salam dans les mosquées, shalom dans les synagogues. Seuls les cœurs sincères sont ouverts au dialogue. L'ami, la vie n'est pas un monologue. Salut à mes homologues, scientifiques près des astronomes, loin des astrologues. Livre céleste, tout est écrit, de nos paroles à nos gestes, de la préface jusqu'à l'épilogue. Salut à mes homologues. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi avant même d'arriver ici-bas. Dès le début, Iblis nous combat. Tant de coups bas, j'encaisse en silence avec la grâce d'un boxeur de Cuba. J'ai l'art de la guerre comme un guerrier nouba. Bâtisseur de la paix, d'ici à Cuba. Loin des endroits où être mauvais n'est plus un tabou. Celui que tu es devient celui qui t'abat. Le venin des hommes est pire que celui d'un mamba. Paris a le stress comme Rio à la samba. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi de l'Assemblée jusqu'au Sénat. Ni de l'ENA, ni de Sciences Po. J'ai partagé les bancs avec X-Men et les H-Po. Salut à mes homologues. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. salut à mes homologues. Dialogue à l'instant, c'est un extrait de l'album Que la paix soit sur vous, l'album d'Ali qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Demain soir, il y aura du live aussi avec toi, hein, jeudi. Oui. On passera un titre inédit aussi à découvrir, exclu de l'album, on ne s'oublie pas, avec XS. Et ce soir, on va parler plutôt du côté beatmaking. Ouais, bah déjà commencer par les beatmakers qui sont dans l'album, parce qu'on a eu 3 jours, on a parlé du rassemblement et de Cave Harmony. Maintenant, pour 2015, elle a présenté déjà dans l'ordre des titres. Les beatmakers qui ont contribué à cet album. Donc une fois de plus très important, il y a pour Lotus le titre d'ouverture Mkazoo. Et Mkazoo, c'est vraiment une patte particulière. Il y a une rythmique très très lourde, très puissante, qu'on retrouve en ouverture et en clôture. Ça veut dire que la couleur d'ouverture, tu la retrouves un petit peu dans la fin avec le titre Salam. Et je suis content parce que le Lotus, c'est un épanouissement. Et la finalité, ben, c'est vraiment ce que t'as dans Salam aussi. Et tu le retrouves aussi musicalement. Donc Mkazoo, il a ramené une très très belle musique. Et revenir aussi sur le fait qu'on avait fait une réunion avant même la sortie de l'album, où il y avait une thématique à respecter, des rythmiques puissantes. Il y avait un univers, il fallait que ça soit apaisant, il fallait pas que ça soit agressif au niveau de... Donc c'était quelque chose de réfléchi par rapport à Kawe Harmony, où c'était des choix plus... Peut-être un peu plus rude, peut-être plus... Oui, c'était... je prends des sons sans avoir vraiment de thématique particulière au niveau de la couleur musicale. C'était, voilà, je prenais ce qu'il y avait à l'instant. Tandis que là, c'était vraiment prédéfini. On s'était vu avec quasiment tous les beatmakers. Et je voulais vraiment cet équilibre entre Kawe Harmony, qui était assez puissant, et le rassemblement, qui avait une certaine douceur, qui avait un certain manque au niveau de la puissance rythmique. Et j'ai voulu vraiment avoir cet équilibre dû à l'expérience des deux albums, avoir cet équilibre. On l'a retrouvé. Donc Mkazoo, il a ouvert Lotus et il a fermé avec Salam. On a Dialogue qui a été fait par Grim Reapers, donc le fameux dialogue qu'on écoute là. Et on a le survivant qui a été fait par monsieur Ousseinou Ouzouane, ici présent. On a reçu aussi cette semaine, qui est passé dans l'émission. Alors on a Doux et Puissant, Art. On a Art, donc, qui a été fait par Didier Stretch, qui est ici, qui est mon... Qui t'accompagne. Mon ami, qui m'accompagne, c'est un vrai compagnon de route. Et il a fait donc Art, il a fait Innocence, il a fait aussi... il a fait Réflexion, le morceau avec Laura Luciano. Ouais, Laura Luciano, ouais. Donc, je te parlais de Doux et Puissant, c'est Astronaute. Astronaute aussi, un très gros talent, vraiment. T'as l'impression d'écouter un orchestre à lui seul, c'est un homme orchestre. Mais vraiment un gros gros talent, et je suis content. Tu sais, c'est des rencontres où tu te dis, c'est une culture que j'ai connue et qui a été écoutée, comprise et respectée. Il y a un héritage, tu vois. C'est au-delà de la forme d'apprentissage très technique, je vais chercher que sur internet. Non, là tu vois vraiment qu'il y a des grands frères, qu'il y a des gens, qu'il y a une culture, qu'il y a... Ah bon, on voit surtout relais. Aussi qu'il y a un vrai boulot qui est fait sur cet album, non seulement les textes, c'est ce qu'on disait, et puis voilà, c'est cette recherche du son particulière. Exactement. C'est pour et ça que tu prends autant de temps à faire un album, Olivier. Est-ce que tu connais beaucoup d'artistes comme Ali, comme ça, avec autant de précision? Oui, non, là, c'est vrai que... Et d'ailleurs, c'était ce qui avait été pour le présent album compliqué, parce que moi, j'avais eu un décalage de sortie, parce que ce soin de la précision, effectivement, c'est pas genre l'album dans les bacs dans 15 jours. Bah, surtout, c'est vrai que ça va un petit peu à contre-courant de l'ère actuelle, où dès que tu fais un son, tu le balances maintenant sur le net. t'as à peine mixé ou fait quoi que ce soit, t'as balancé 2-3 trucs dessus et tu mets 3 mixtapes entre chaque album. Voilà. Exactement. Donc là, une vraie réflexion, il y a un vrai travail qui est fait en amont aussi, qui est fait en amont. Il faut prendre le temps, tu vois. Au niveau de l'écriture, au niveau du beatmaking, au niveau du mix, au niveau du mastering, ça a pris du temps. Donc ça s'adresse aussi à des gens qui prennent le temps d'écouter. bien sûr, on va y avoir une première touche musicale où on va être là au feeling, écouter simplement de la musique, mais il y a aussi du texte derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui s'attardent sur le texte, c'est ceux qui prennent aussi un peu le temps de vivre. On aura d'ailleurs une petite démo, je dis ça, avec les beatmakers. Bien sûr, et juste, excuse-moi pour finir, parce que je n'ai pas présenté tout le monde. Et aussi pour la bonne nouvelle, justement, parlant de cette patte particulière qu'on a chez 45, il y a mon ami Big Lust, qui vraiment est un petit frère et qui a une véritable connaissance, parce que au-delà juste de faire du son, c'est des gens qui ont une vraie culture, une vraie connaissance. Je vais leur citer un artiste des années 60, mais lui, il est né en début 80, il va t'en parler encore avec une connaissance que je n'ai pas, tu vois. Ça veut dire que il y a une véritable passion et un véritable amour de la musique qui nous emmène au-delà du simple fait technique. C'est ce qui est intéressant. Donc, Big Lust du groupe 7ème degré, donc 7ème degré qui ont fait la bonne nouvelle. Après, on a aussi le Tant qu'il entend de Stroke. Stroke qui a fait Tant qu'il est temps, qui a fait aussi le morceau qui me tient à cœur, Supreme Melody, le fameux Supreme Melody avec le sample de Youssef Latif. Et voilà, donc c'est un album qui a une histoire. Il y a aussi La Clé qui est avec le frère de Monsieur Ouzouane, qui est avec Stenza. Donc tous les gens que je t'ai cités, déjà d'une, je les salue. Je les remercie pour leur patience. C'est un apprentissage dans les deux sens. Ils apprennent à patienter, j'apprends à patienter aussi, parce que quelqu'un de jeune, il veut le truc tout de suite. Donc il faut que j'attends qu'il ait compris que ça demande du temps. C'est un échange, et en tout cas. Avec le résultat, les gens commencent à apprécier, et c'est avec le résultat que tout le monde est content. Et malgré, comme tu as dit, la longueur du chemin, c'est à la fin au bout du chemin, quand quelque chose se concrétise, qu'on oublie les moments difficiles et qu'on se rappelle des beaux moments. Je voulais juste demander à la page d'histoire qui est avec nous, avec Olivier. Non, juste un petit point. C'est vrai que sur les beatmakers, et ils sont rares aussi les artistes à mettre en avant, Ali le fait en tout cas dans ce Planète Rap. Les premiers beatmakers dans l'histoire du rap, ceux qui ont marqué, parce que c'est vrai qu'au début, le rap a commencé aussi avec des dubs jamaïcains dans les. Les phases B. Le premier, c'est évidemment, c'est lui qui est le premier pour à peu près tout, c'est Dynasty. C'est lui qui a produit le premier album d'un rappeur français, d'un album intégral d'un rappeur français, c'était Lionel D. C'est aussi le premier qui a compris aussi qu'il y avait possibilité de ralentir un peu les rythmiques, parce que si on se souvient des premiers grands artistes de la première vague du rap français, notamment NTM et IAM aussi à moins de niveau, les BPM c'était affolant, hein, c'était 130, hein, je veux dire DJS, ils balançaient des breakbeats, c'était, et quand tu écoutes par exemple Pour toi le beurre qui s'appelait Férouz, produit par Dynasty pour Lionel D, pour l'album de Lionel, il n'y a pas de problème. On voit que déjà Dynasty avait compris cette espèce de il avait l'influence d'Eric Berakim, bien sûr. Il avait compris que ça pouvait être, le beatmaking était un art. Et lui, il avait cette façon de doser, d'utiliser les samples. C'est un des premiers qui l'a fait de façon aussi intelligente. Et c'est lui qui a posé les racines de ce qui après allait grandir avec des entités comme Time Bomb. Ouais, justement, j'allais te demander sur cette génération qui arrive, Time Bomb, évidemment, avec, ils apportent quand même une sonorité, un truc différent. Ah oui, c'est la révolution du son. C'est la révolution du son, ouais. C'est vrai que souvent, en fait, si on regarde, là, il y a beaucoup de gens très talentueux dans la première génération du rap français, mais la plupart des gens qui faisaient du son étaient quand même des gens qui regardaient vraiment vers les États-Unis. Et on a toujours eu, tout au long de l'histoire du rap français, on peut voir que ce qui se passe aux États-Unis se passe en France un peu après. L'exemple le plus flagrant, c'est évidemment Mobb Deep et ses violons. Tout d'un coup, tout le monde découvre qu'il y a un instrument qui s'appelle le violon et qu'on peut l'utiliser dans le rap français. Violon, piano. Après, ça a été très très employé. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des gens qui ont créé, je pense, dans le rap français. Et évidemment, bon, dans les créateurs les plus récents, et paix à son âme, puisqu'hélas il nous a quitté, il y a DJ Mehdi, qui est quelqu'un qui a été un de ceux justement qui avait l'oreille assez ouverte pour pouvoir assimiler ce côté électronique. Je pense à des morceaux des Princes de la Ville, le merveilleux album 113, où il utilise Kraftwerk, où il utilise en même temps de la soul américaine, et où il mélange tout ça avec un talent, avec une patte qui vraiment n'appartient qu'à lui. Il y avait ça aussi, Ali, dès le début, pour vous, sur Mauvais Oeil, sur l'album de Lunatic, on sent aussi déjà aussi une recherche du son. Il y a une recherche du son, tu vois, mais même, tu vois, quand on parle des violons de Mobb Deep et il y a aussi une culture derrière, tu vois, il y a une racine, il y a un enracinement, tu vois, quand tu prends, tu sais, les gens, ils sont très focalisés sur rap français Mobb Deep, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est Marley Marl, le papa de tout le monde là-bas, tu vois. Donc il y a aussi une culture qui est derrière. C'est comme aussi pour Time Bomb, c'est DJ Sec qui vient aussi de l'école des Little. Donc aussi les Little avaient une part très importante là-dedans. Et je pense que, je sais pas si, en tout cas c'est toi qui connais mieux l'époque de Dynasty, l'époque de la fameuse époque où tout le monde attendait l'émission du soir pour pouvoir rapper. Et est-ce qu'aussi il y avait déjà un mouvement qui était créé de beatmaking, on va dire, de de producteurs indépendants à cette heure-ci ou juste il y avait un ou deux beatmakers phares? Non, honnêtement, je crois qu'il n'y avait pas encore. Parce que, comme tu le disais, c'était une culture. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui vient de loin, qui s'est forgé depuis le milieu des années 70. En France, quand le rap commence vraiment à émerger dans les années 80, il n'y a pas encore vraiment. D'abord, il n'y a pas les machines, il n'y a pas les connaissances, il n'y a pas la culture. Ça va venir, effectivement. C'est pour ça que Dynasty est le premier. Mais il faut quand même bien voir que le premier album produit par Dynasty, l'album de Lionel Day, c'est 1990. C'est quand même tard par rapport aux États-Unis. Par rapport aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est pas avant le milieu des années 90 qu'on va vraiment avoir des gens qui peuvent dire qu'ils amènent quelque chose d'original et une vraie patte française. Sinon, c'est vrai qu'après, bon, de toute façon, quel que soit l'artiste, on va toujours regarder les États-Unis parce que c'est là où le rap est né, c'est là où où il a trouvé son heure de gloire et c'est où il s'est développé. Donc forcément, quand on est un rappeur français, en tout cas c'est mon avis, je pense qu'il faut toujours un petit peu regarder les États-Unis, pas forcément maintenant d'ailleurs, mais aussi les époques d'avant. Mais dans les années 90, vers la fin des années 90, là on a eu des beatmakers français qui ont vraiment amené des choses originales et puis aussi des ingénieurs du son producteur, dont un, je pense, qui a aussi d'ailleurs bossé sur Mauvais Oeil, c'est Mitch Olivier, qui est quelqu'un qui vient de très loin, qui a produit pour Bachung, pour des artistes de rock, pour Renault, et qui a fait des choses magnifiques, que ça soit avec Lunati, que ça soit avec 1995, ou plus récemment avec Joe Star. Il a produit, réarrangé une partie du nouvel album, et le gars. C'est vrai qu'il est assez incroyable, ouais. D'accord. Donc, et justement, c'est intéressant de savoir, c'est cette transition qu'il y a eu. Comme tu as dit, il faut regarder les États-Unis, mais la scène, on va dire, avant le hip-hop en France, c'était quoi exactement on va dire le moyen d'expression le plus populaire avant que le hip-hop arrive, c'était quoi? Il y a eu du rock, il y a eu du... C'était oui, rock punk. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, il y a effectivement la vague punk a amené une nouvelle génération du rock français. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que quand on regarde l'histoire du rock français, qui commence dans les années 60 avec les Yéyés, Johnny et compagnie, c'est qu'il y a toujours un débat sur faut-il chanter en français ou en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le rap français a eu ce débat-là pendant 5 minutes, hein, peut-être 6. Et après, c'est genre, bah non, on est français, on rappe en français, de toute façon, on connaît pas l'anglais. Et alors que tout le monde disait que c'était impossible, hein, parce que justement, et le rock français, t'as encore ce débat aujourd'hui. T'as des groupes qui chantent en anglais, d'autres qui disent non, on chante en français. Le rap, c'est on est en France, on fait une musique française, on va parler en français. C'est vrai, avec une spécificité. D'ailleurs, même quand les artistes américains parfois se produisaient avec douleur ici en France, il y a quelques concerts mémorables de groupes qui sont repartis avec des quarts dépouillés, des trucs. Toujours une rivalité aussi là-dessus. Bah ouais, mais c'est voilà. Et donc pour moi, le rock en français a jamais réussi à complètement résoudre cette équation. Le rap l'a fait tout de suite. C'est une musique française qu'on fait en France avec un public français qui doit, en plus, comme la compréhension des paroles est encore plus importante, je pense, dans le rap que dans le rock ou dans la variété, c'était évident, il fallait que ça soit en français. Donc c'est pour ça que c'est une musique qui, malgré quelques petits essais en anglais sur deux ou trois artistes dans les années 80, a tout de suite choisi la langue native. Ne bougez pas dans un instant, on va revenir, on balancera aussi un morceau de l'album Que la paix soit sur vous. On va rester sur l'album là, il arrive lundi l'album. Bientôt. Qu'est-ce qu'on mettra Ali? On va mettre Art. Art? Eh ben bougez pas. Dans un instant, et puis petite démo des beatmakers aussi. Ça arrive sur Skyrock. Ladies and gentlemen, j'ai choisi Skyrock. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Planet Rap avec Ali sur Skyrock. Qui veut la paix se prépare à la guerre. Qui veut la guerre se prépare à la paix. ART Senzo, l'art de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combat. Maîtriser les stratégies, aiguiser l'esprit. Tao, s'harmoniser avec le haut et le bas. Le ciel m'inspire, la terre a fermé mes pas. J'avance tant que je vis, car le temps n'attend pas. Entends le millénaire, commencer par un attentat. Depuis, c'est le mépris, car tu jeûnes et tu pries. La tour numéro 7 a démasqué la duperie. Là où les hommes sont des loups, les gosses sont des cabris. Mettez l'humanité à l'abri, à croire que de son histoire elle n'a rien appris. Après l'hiver, suit le printemps. Comprends, l'oppression ne dure qu'un temps. Face aux épreuves, suis-je vraiment celui que je prétends? Islam, en empruntant la voie de la paix, mon cœur se détend. Même les yeux fermés, je ressens que ma vision s'étend. Qui veut la guerre se prépare à la paix. Qui ne veut pas se taire devrait commencer à rapper. Qui veut la guerre se prépare à la paix. Qui ne veut pas se taire devrait commencer à rapper. Qui veut la guerre se prépare à la paix. qui ne veut pas se taire, dévoué, commencer à rapper. Alerté, mon ART, appel à la paix. ART, ART. Oui, je sais pas, l'art de la paix, c'est commencer par calmer l'esprit, se laisser guider, ici pas tout est écrit. Tao, s'harmoniser avec la nature, se relier, viser la fusion, vision mature. J'avance, l'amour est ma cure, mon pôle terre pur, où la couleur de l'argent pollue les gens comme le mercure. Depuis que la monnaie est là, les valeurs ne cessent de s'inverser. Certains adorent les billets, quitte à laisser du sang verser. À l'abri, je mets mon humanité, ma foi comme mes anticorps assure l'immunité. Gloire à celui dont la puissance est illimitée. Face à ces épreuves, je réalise ma réalité. Islam, la paix, la voix, mon âme le sait. S'améliorer à chaque fois, continuer de vibrer comme le cœur le fait. C'est la victoire sur soi qui est le vrai succès. Le vrai succès. Qui veut la guerre se prépare à la paix. Qui ne veut pas se taire devrait commencer à rapper. Qui veut la guerre se prépare à la paix. Qui ne veut pas se taire devrait commencer à rapper. Qui veut la guerre se prépare à la paix. Qui ne veut pas se taire devrait commencer à rapper. Alerté, mon ART, appel à la paix. ART, ART. Mon ART, appel à la paix, appel à la paix. Mon ART, appel à la paix, appel à la paix. Mon ART, appel à la paix, appel à la paix, appel à la paix. ART. Qui veut la guerre se prépare à la paix. Qui ne veut pas se taire devrait commencer à rapper. Qui veut la guerre se prépare à la paix. Qui ne veut pas se taire devrait commencer à rapper. Qui veut la guerre se prépare à la paix. Qui ne veut pas se taire devrait commencer à rapper. Alerté, mon ART, appel à la paix. ART, ART. Que la paix soit sur vous, c'est le nom de cet album d'Ali où vous retrouverez ce morceau qui s'appelle Art, ART, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Ce soir, on parle beatmaker, beatmaking avec Ali. C'est une bonne thématique en plus, je trouve, parce que il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est la transmission, c'est aussi l'histoire même. Alors, je sais que t'es pas un mec non plus de vivre constamment dans le passé et ressasser le passé. Je vis le présent. Survivant, c'est ça. Mmh. Mais le passé est très important. Voilà, le passé est important et la musique aussi. Et cette musique est très importante aussi. Exactement. C'est pour ça que tu as convié aussi Olivier Cachin qui est là avec nous. Ouais. Petite démo dans un instant des beatmakers. Exactement. Ceux qui ont bossé avec toi hein, sur l'album, ceux qui t'ont accompagné. Joanne, il est là. Il y a Oliver aussi qui a fait une composition sur Arm qu'on vient d'entendre. Et donc voilà, ils vont se présenter et représenter. Et bon, on va faire ça dans un instant. Je vais juste qu'on parle encore un petit peu rapidement de beatmakers. Tu as peut-être une dernière question à poser là-dessus à Olivier sur la partie historique. Je sais pas si justement. Est-ce que tu peux nous parler justement des beatmakers, on va dire, qui ont le plus marqué un peu l'histoire du rap français jusqu'à aujourd'hui, vu que ça continue? Bah, disons qu'il y en a énormément, hein. C'est vrai que... Le premier, tu disais Dynasty. Dynasty. Dynasty. Moi, c'est vraiment le premier qu'on peut appeler beatmaker parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un travail avec des machines, avec des claviers, qui travaille avec des musiciens aussi, qui d'ailleurs, c'est par hasard, par la suite, a aussi bossé avec d'autres artistes, d'autres musiques, électroniques ou autres. Bon, Mehdi, évidemment. Bon, Mehdi, Time Bomb, je pense que c'est un collectif très important aussi. Ouais, Essek, justement, qui continue de produire, hein. Il bosse avec Monsieur JL, ils ont vraiment des musicalement, c'est très très fort, ça approfondit, tu vois. Tu vois la précision dont on parle tout le temps, bah, tu retrouves à un moment la maturité, la technique qui s'améliore, donc aussi DJ Sec à ça. Et puis tu parlais des Little, il y a aussi évidemment Sully Biwax, hein, okay, qui est membre des Little, et qui après, avec la Mafia Underground, avec Stestrose aussi, a amené ce côté très américain justement, avec ce luxe, ce côté un petit peu, c'est un peu notre Puff Daddy, quoi. Il avait ce côté très, pas bling-bling dans l'attitude, mais dans le son, c'est-à-dire vraiment, c'était riche, ça a été une artiste qui était très importante, une des rares. En plus, c'était avant Diams, à représenter le côté féminin qui, comme on le sait, dans le hip-hop, est pas forcément celui qui est le plus mis en avant. Donc non. Voilà, ce que tu dis, oui, étonnamment. Ah bah justement, en parlant de côté féminin, est-ce que tu connais beatmakers, on va des dire. Beatmakers. Est-ce que tu en connais? Est-ce que c'est une excellente question à laquelle j'ai bien peur de ne pas avoir de réponse. Non. Oliver. Non, il y a quelques DJ qui doivent faire forcément un peu de son, mais Moi, je sais qu'il y en a, mais après, elles sont pas encore sur le devant de la scène. Mais on peut déjà les nommer, on peut représenter pour elles si tu en connais qui est vraiment du talent. Oui, c'est bien de les citer, quoi. Bah, en fait, c'est que pour l'instant, comme elles sont pas prêtes, je préfère pas les mettre. L'art de la question piège. Aux États-Unis, t'en penses? Je suis en train de chercher même aux États-Unis, je me dis. Non, vraiment. En Anna qui produit pour le hip-hop. Non. En électro, t'en as un peu plus, Miss Kittin, des gens comme ça, mais en vraiment en hip-hop, même aux États-Unis, j'ai pas. C'est américain, un nom qui arrive là-bas dans le fond. Comment s'appelle-t-elle? Wonder Girl. Ok, voilà, au moins c'est bon à savoir. Ouais, voilà. Et bon, salut Wonder Girl. Aux États-Unis, ouais, il y en a. Aux États-Unis, il y en a. Et bah, les filles, on vous attend, hein. Allez-y. Allez-y, c'est vrai qu'il y a un créneau à faire aussi pour les nanas, peut-être apporter un peu de féminité aussi dans. Bah, je sais qu'il y a déjà les prods. Il y a beaucoup de femmes DJ. Ouais. Non, c'est ce qu'on disait avec Olivier. Ouais. Voilà, bon, qui doivent faire peut-être aussi un peu de son, mais. Des rappeuses, des DJ, mais vraiment des beatmakers, productrices. Dans le graffiti aussi, il y a beaucoup d'artistes, comme Lady Pink et. Ont marqué leur temps. Mais... Oui, il y a 2-3 clans aussi qui sont un homme et une femme. Il y a des femmes, c'est vrai, dans le graffiti. Mais... Ouais. Et bien, tiens, puisqu'on parle avec les beatmakers, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu, une petite démo Déjà, on va laisser les messieurs se présenter. Se présenter, donc voilà, déjà, petite présentation. C'est parti. Bah, moi, c'est Oliver. Je suis la moitié du groupe Drum Dreamers. Il y a deux personnes, donc Tineg, qui est l'autre moitié, et moi-même, Oliver. Moi, c'est Akuji, compositeur aussi. J'ai également un groupe avec Oliver qui s'appelle Science Square. On est 4 beatmakers. La particularité, c'est de faire du live. On a déjà fait des scènes et accompagné certains artistes aussi en live. Voilà. Eh ben, bienvenue. Et puis, le petit dernier, on connaît. Le dernier, Ouzouan, membre du label WaveClick avec mon frère Stenza. Et également, on organise des ateliers beatmaking. Flystands, sous le nom de Flystands, un peu partout en fait en Île-de-France et voilà, peut-être un peu plus loin si l'occasion se présente. C'est quoi comme atelier? C'est des ateliers où on montre en fait aux personnes comment utiliser le logiciel qu'on utilise, donc FL Studio, et vraiment voilà comment leur permettre en fait de sortir leurs idées de leur tête et créer des beats quoi, direct. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors messieurs maintenant? Petite démo qui va porter sur quoi? Bah là, on va faire une démo, donc on va improviser quelque chose. Donc improvisation totale. On est trois. On va improviser quelque chose pour montrer aux gens les différentes parties qui permettent de créer un beat. En fait, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va faire la boîte à rythme, c'est Akuji. Ouzouane va faire la basse. Et moi, je vais faire des pistes harmoniques en fait. Donc rien n'est prévu avant. Rien n'est prévu, on va juste faire une démo. Et puis, comme ça montrera aux gens comment on peut construire. Une instru à partir de ces éléments-là que j'ai cités. Bon, alors imaginons, voilà, coup de fil de Ali qui dit: oh là là, je suis à la bourre, j'ai besoin de sortir des titres inédits sur mon album. Non, mais tu sais, sans imaginer, c'est que pour Art, c'est un peu le cas. On a eu de la compo et merci à Oliver d'avoir été spontané et de nous avoir fait une belle compo. Tu vois, le jeu que t'as à la fin, il est magnifique, il ramène un véritable plus dans le morceau, et justement c'est ce que je cherchais pour rééquilibrer par rapport au rassemblement qui était beaucoup plus boucle, à part quelques titres comme Tsunami ou qui était un petit peu plus travaillé, mais là on a un véritable travail de composition, donc voilà, on écoute. Et bah allons-y messieurs, c'est parti, impro total maintenant sur Skyrock. Bravo messieurs, à l'instant. Petite démo en live. Ali, ça t'a inspiré? Ah, tu sais, quand t'entends ça, tu sais, ça te fait du bien. Mmh. Ouais, y a des bonnes ondes, c'est positif, c'est bien. Merci frère. Et bah, bravo à vous trois. Et c'est vrai que bah y a ça pour le coup. En même temps, Olivier, c'est un petit peu ce côté aussi dans toutes les musiques, ce qu'on appelle les boeufs. Donc évidemment dans le jazz, dans le rock, dans le hip hop aussi. Et voilà, ça existe aussi. Ça existe aussi. C'est une musique qui s'appuie beaucoup sur les machines. Ouais. Il y a aussi l'humain qui joue quand même, heureusement. Ah, qui est super important. Exactement. Et il faut savoir il faut savoir quelle direction artistique, en tout cas pour ton album, dans quelle direction tu voulais aller. Donc quand on entend ça, puisqu'il y a un côté positif. Oui, voilà, c'est exactement ça. Tu vois, à un moment, il y a des alchimies naturelles qui se font et vraiment là, ça fait du bien, tu le ressens. Enfin, c'est ce qui est beau dans la musique, tu vois. C'est des histoires aussi de fréquences et c'est un art et l'art, c'est le reflet de ton être. Tu vois, et là, vraiment, là, c'est des présentations naturelles. Tu ressens l'intérieur des gens, quoi. C'est une forme d'expression, c'est ce qui est beau. C'est sur Skyrock, à l'instant, que la paix soit sur vous, l'album de Ali qui arrive lundi. On met un morceau avant de revenir un petit peu et pour conclure aussi sur cette soirée spéciale Beatmaker, Beatmaking. Mm-hmm. On met un morceau de l'album. Bah, je voulais parler aussi un petit peu d'un frère que j'apprécie pour parler aussi des actualités. On est en 2015 et il y a un frère que j'aime beaucoup qui est RODK. Mm-hmm. Donc si vous avez le morceau et. Ah bon là voilà, c'était sur le projet de RODK. Sur son projet, toujours disponible. Donc pour supporter RODK, acheter son album. Très bon album, très bon artiste, très talentueux, quelqu'un qui prend le temps d'écrire. Et voilà. C'est... Et qui t'as des affinités en tout cas. Tu sais, au-delà des affinités, tu sais, des fois je peux avoir quelqu'un que je respecte, mais au-delà de l'affinité, c'est le respect du travail bien fait aussi. Et vraiment, je respecte quelqu'un qui a pris le temps de travailler, pour qui. Voilà, il y a un combat aussi, il y a un combat de vie. C'est un album, c'est la vie, ça fait partie de sa vie. Comme quelqu'un qui écrit un livre, ça fait partie de sa vie. Et il a ce côté vraiment travail et quête d'aboutissement. Pour ceux qui connaissent RODK, voilà, c'est à chaque fois, eh bien, il y a une envie de faire bien. C'est pas un jour je vais faire 10 morceaux bâclés, je vais venir en faire un. Donc par respect pour ce combat de vouloir faire les choses bien faites, au-delà de l'affinité, c'est aussi le respect du travail. Et bon, on va l'écouter maintenant à tes côtés, RODK et Ali, sur Skyrock dans Planète Rap. Que sur un fil à ce que j'ai entendu, et chaque extrême réclame sa part. Maintenant je comprends pourquoi l'atmosphère est tendue, pourquoi le mal s'est répandu, pourquoi tous ceux qui voulaient que le niveau des consciences soit élevé ont été descendus. Face au problème, je précise pour mieux cerner. Les criminels, eux divisent pour mieux régner. Les mêmes qui voudraient te faire la peau via les collabos, bon qu'à se clasher puis se cacher derrière des faux drapeaux. Dirigé par des belliqueux, à qui l'effusion de sang fait jouir. Mais bon, ça ne fait gémir que. Pendant ce temps, le peuple morfle dans les attentats, parce que l'homme au pouvoir est un loup pour l'homme qui n'en a pas. On gobe des mensonges étrangement immenses, fausses informations et puis les moutons suivent la transhumance. Repense à Tchernobyl, petit con. Pour eux, une vie en moins, c'est rien de plus qu'un Playmobil qui tombe. La paix est bien loin d'être gardée, car on est tous gouvernés par des populations bombardées, car on est tous gouvernés par des innocents dans les quartiers plombés. Tout ça parce que les trois cas sont des. Dans ma course à la vérité, je parle avec beaucoup de recul, comme un libéraux logique. L'impression de courir à 100 mètres et quand j'enjambe les barrières idéologiques. Fuck les libéraux horribles, leurs idées nocives. Gros, rien de nouveau, on s'entretue depuis les hiéroglyphes. Écoute ce que l'on dit, puis tu diras pas non. Le savoir est une arme, oui, le peuple lâchait un canon. Marie m'abrite une peur, car la guerre est ton marchand d'armes. Ce que la pluie est à l'agriculteur, source de profit et de gros billets. Tu es pour de l'argent, c'est peut-être de là que vient le mot liquidé. Ils voient peut-être la vie comme un jeu d'illuminés, où les plus gênants sont automatiquement éliminés. Pourquoi ces consens sur les miens? On est dans le déni si on nie que le sionisme a du sang sur les mains. Les pseudo-djihadistes sont des vrais pantins qu'on peut vendre de la haine qu'aux chrétiens les plus crétins. Souvent le shaitan nous charme, l'Afrique noire meurt encore de faim aujourd'hui, peut-être à cause de la malédiction de charme. Je ne vous charrie pas, la spéculation fait beaucoup plus de morts qu'Al-Qaïda. Alors ouais, c'est pas le genre de couplet qui font des thunes, mais bon, j'suis pas une poule aux os d'or qui pond des tubes. Dénonce leur logique immonde, immonde. Pour eux une vie en moins c'est rien de plus qu'un Playmobil qui tombe. La paix est bien loin d'être gardée, car on est tous gouvernés par des meurtriers. Population bombardée, car on est tous gouvernés par des meurtriers. Innocents dans les quartiers plombés, tout ça parce que les trois cas sont des meurtriers. Meurtriers, écoute fils. À tous les damnés de la terre, à tous les franges fanons. Ni esprit lobotomisé, ni chair à canon. L'époque est floue, j'ai besoin d'une mise au point. Perfectionne le focus comme canon. Laisse la barbarie aux fans de Conan. Trop de guerre sur les terres de jamais Canaan. Trop fan quand l'amour n'est plus sacré mais profane. Injuste profit, orgueil et trophée. Retour du vaudor, je n'adore pas ceux qu'ils adorent. À tous les innocents accusés à tort, qui est la bête, le taureau ou bien le toréador. Je ne veux pas souhaiter la mort, mais scander la vie. Décarner pas l'islam, Breivik, la Scandinavie. Scandalisé, trop de cœurs vandalisés. À tous les bénis de la terre qui ne cessent de prier. Entre bien et mal, ne cessent de trier. Pour ne pas finir comme Cain, premier meurtrier. La paix est bien loin d'être gardée, car on est tous gouvernés par des meurtriers. Population bombardée, car on est tous gouvernés par des meurtriers. Innocents dans les quartiers plombés, tout ça parce que les trois cas sont des meurtriers. Meurtriers. L'instant, R.E.D.K. avec Ali. C'est sur le projet d'R.E.D.K. hein, toujours. Exactement. Qui sont encore un peu. Qui s'appelle Meurtrier, qui est sorti. Qui sort actu. Qui sont en tout cas l'actu. Exactement. Ton combat aussi d'ailleurs, Ali, au quotidien. Voilà, et surtout dans le texte, c'est profond dans le sens où. Tu vois, je dis. Descartes n'est pas l'islam, Breivik la Scandinavie. Ça veut dire que t'as des gens qui vont au nom de l'islam, au nom de leur nationalité, au nom du judaïsme, au nom de la chrétienté, au nom de leur foi, au nom de leur non-foi, au nom de l'athéisme. Faut pas oublier qu'aussi dans l'athéisme on a eu Staline qui a été un meurtrier de masse, tu vois. Donc les extrêmes ils existent chez tout le monde. Et dans le titre Salam, je parle de la paix. Et la paix voilà, elle supprime tous les extrêmes quand on la veut vraiment profondément. Et au-delà de ça, et ce que j'aimerais, c'est un combat de chacun. Mmh. Parce qu'à un moment, on ne peut plus blâmer l'autre et dire « Ouais, mais un tel est méchant, ce groupe est méchant. » Là, c'est bon. On a un devoir individuel de se réveiller, d'essayer de trouver les gens bien quand on veut vraiment préserver ce bien. De ne pas rejeter une faute sur... Sur l'autre. Déjà, sur l'autre. J'aime beaucoup cette phrase que Jésus nous disait « Avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, regarde le pilier devant tes yeux. » Tu vois. Et c'est très très vrai et je pense qu'on est en plein dedans. C'est clair que voilà, ce titre meurtrier il est très révélateur, mais il faut pas avoir peur parce que c'est qu'une période de l'histoire, rien de nouveau sous le soleil une fois de plus. C'est des choses qui c'est cyclique, ça arrive d'un coup. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est à quoi on veut contribuer. Et c'est là, une question que tu te poses toi aussi au quotidien. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. J'ai des enfants, je leur souhaite le bien, donc je souhaite ce bien à tous les enfants, tu vois, à tous les parents. Et je suis pas tout seul à le vouloir profondément. Mais des fois, on l'oublie cérébralement, on se fait parasiter par des événements qui peuvent nous faire flancher, nous faire éloigner de ce qu'on est réellement. Tu vois, je te répète une fois de plus, j'ai cette forte croyance que l'être humain est bon, que la nature humaine est profondément. C'est pour ça que tu restes positif et que tu as raison de l'être d'ailleurs. J'essaye. J'essaye. Malgré les événements, malgré tout ça, malgré ce qu'on peut nous... Tu vois, à un moment, ça va être chacun face à soi-même aussi. Tu vois, c'est à quoi j'ai contribué dans cette vie. J'ai la chance d'être en vie. Quelle est ma contribution, tout simplement, sur cette terre où il y a 7 milliards d'individus, où il faut gérer 7 milliards d'individus. Donc, dans ce brouhaha, quelle est ma part? est-ce que je vais vraiment à un moment œuvrer avec haine, ou est-ce que je vais œuvrer paisiblement et essayer de faire les choses bien? Et aujourd'hui, tu l'as, ce côté justement plus paisible, plus... Je suis apaisé. Apaisé. C'est une chose. Tu vois, il y a le stress de la vie qui est là, on essaie de s'améliorer, c'est une chose. Mais au moins, je suis heureux d'être là. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une contribution. Et on a des auditeurs, il y a des gens qui nous écoutent, donc on a la chance d'avoir une ouverture. Mmh. Et pendant que certains ont une écoute à l'échelle nationale, ça jette de l'huile sur le feu. Je suis heureux et content d'utiliser ce moyen de communication pour essayer justement déjà moi-même de rester apaisé et de dire aux autres aussi, ouais, il ne faut pas tomber dans un jeu et une spirale très très mauvaise. En tout cas, on a eu l'exemple, même s'il nous reste encore une soirée à passer, pas de division, quoi, voilà, rester unis. Et, c'est ce que je dis dans Lotus, diviser la devise des démons, donc... voilà, chacun son... Et se poser donc la question, pourquoi pas chaque matin ou chaque soir en s'endormant, qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui, pour améliorer un petit peu le quotidien. Et en plus, au-delà de la méditation, je pense qu'aussi là on est dans une époque d'action. C'est-à-dire que le peu qu'on puisse faire à son échelle, il faut le faire, là on n'a plus le temps. Et j'espère vraiment que ça va s'apaiser dans les temps à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et j'espère aussi, je profite d'avoir cette chance de parler, qu'on va pas jouer avec nos émotions et nous mener vers une guerre qui serait malheureuse, vraiment. C'est ce que j'espère de tout mon cœur. Ça y est, on a eu déjà deux avant. Malheureusement, il y a la fameuse phrase « jamais 203 », j'espère que ça sera pas le cas. Oui. La première fois, on nous a parlé de la DRDDR. Il y en a une deuxième, malheureusement, et j'espère qu'il y a des gens qui vont pas jouer avec nos émotions pour des finalités. Une vénalité n'est quelque chose de très mauvais, donc... Le peu que je puisse faire, c'est déjà ça. Écoute, si on peut déjà passer ce message aux gens qui nous écoutent, voilà, réfléchissez un petit peu à ça. Qu'est-ce qu'on fait de bon? Qu'est-ce que chacun peut apporter au quotidien? La responsabilité, l'éducation. Tu vois, on en a parlé. Ouais. Tu vois, c'est vrai, parce qu'on a discuté sur le sujet de l'impact des mots sur la jeunesse. Tu m'avais dit que tu n'étais pas forcément d'accord, on en a parlé. Et j'ai compris ce que tu voulais dire. Et... On en a conclu quoi? On a dialogué, on s'est écouté l'un et l'autre. On a juste conclu qu'il y a un rôle très très important dans l'éducation. Ouais. On a des enfants, on les délaisse pas. T'as des enfants? C'est vrai. Tu leur souhaites tout le bien du monde. Et j'espère en avoir encore d'autres. Voilà, donc tu leur souhaites tout le bien du monde. J'ai des enfants, je leur souhaite tout le bien du monde. Mais je suis un peu comme toi, moi. Pareil pour Olivier. Pareil. Tu vois, on a des enfants, on leur souhaite tout le bien du monde. Mais je suis un peu comme toi en même temps. C'est vrai que dans ce monde, c'est vrai qu'on a souvent des images, parce que c'est un concours d'images aussi, un concours de buzz, et le buzz en chassera un autre. Mais je reste assez positif, moi. C'est-à-dire que je le souhaite. C'est déjà une bonne chose. Je me dis, pour nos enfants, voilà. Exactement. Voilà, laissons la barbarie aux fans de Conan. Merci. Exactement. Tiens, Olivier, tu vas avoir aussi le mot de la fin, puisqu'on approche de la fin de cette émission. Sur le beatmaking, tu avais un dernier point à aborder avec Olivier, ou l'éclairage de maître Olivier? Bien sûr, parce qu'on a parlé des fondamentaux, on a parlé de dynastie, après de ce qui est du milieu, on va dire, qui n'avait pas accès à la radio. Je ne sais pas s'il y avait déjà sur le terrain d'autres beatmakers, donc officiellement. Au début, alors effectivement, on en parlait tout à l'heure pendant le morceau, il y a eu la compilation Rapatitude qui a lancé beaucoup de choses. Donc évidemment, dessus, il y avait Dynasty avec Funkesize, et il y avait aussi NTM avec DJS qui produisait DJS. Rap, qui n'était pas leur meilleur morceau, mais qui était en tout cas un acte de naissance assez spectaculaire. Ouais. Et puis il y avait Assassin avec Dr. L, Liam, qui était le producteur, très influencé par le Bomb Squad New Yorkais de Public Enemy. D'accord, excuse-moi, et EGM, qui était leur... Alors EGM, c'est quelqu'un qui était déjà avec Mitch Olivier, d'accord, celui qui a participé. Voilà. Il y a une vraie continuité, parce qu'on a travaillé avec lui. Il y a quelqu'un qui a depuis l'époque d'Éléments Dangereux, Je Détiens le Zéro, EGM, qu'on salue à cette antenne, et qui est un des pionniers, un des piliers de cette culture dans les années 90. Et New Generation MC aussi. New Generation, alors je ne me rappelle plus qui produisait le morceau. Effectivement, c'était un groupe, il y avait toutes les mêmes, qui était un des morceaux de cette compilation. Et je ne sais plus qui c'était, qui était leur producteur, mais ceux qui savent n'auront qu'à écrire à Sky. C'est intéressant, tu vois, d'avoir cette discussion. Et après, sur le temps, il y a eu d'autres compiles importantes qui ont révélé des grands groupes. Il y a eu Hostile, la compile Hostile, qui a révélé notamment Lunatic, tu es bien placé pour le savoir. Il y a eu aussi, il y a eu après un Hostile 2. Je crois que ce qui est marrant, c'est de voir que c'est une époque où effectivement c'était avant Internet, et il fallait effectivement une compile pour montrer qu'il y avait une scène qui existait. Il y a eu la compile de Sector A, bien sûr, aussi. On oublie peut-être aussi Jimmy J, bien sûr, les Cool Sessions, avec deux éditions, même quatre. Solar aussi, avec Solar. Qui a été lui, alors c'est marrant, alors, je terminerai là-dessus, c'est qu'en fait, Jimmy Jay, c'est l'exemple même d'une génération de beatmakers français qui se servait beaucoup du sample. Hein, il y a notamment le sample de The Message de Simon Day pour Bouche de là. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est plus possible aujourd'hui parce que le sample, juridiquement, c'est devenu très compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a toute une nouvelle génération de beatmakers, dont Stretch et quelques autres qui sont ici avec nous et bien d'autres ailleurs, qui savent que comme on ne peut plus utiliser, comme on pouvait le faire avant, par Yamand, Funkadelic, Zap, le funk, la soul des années 60-70, eh ben, il faut composer, créer, jouer, faire ses propres samples, ce que font des artistes comme Akhenaton avec Sébastien Damiani qui composent des musiques et qui se samplent eux-mêmes parce qu'on ne peut plus utiliser de la même façon comme à l'époque des De La Soul et autres l'héritage du passé pour le remettre dans un contexte de beatmaking. Mais en parlant de beatmaking pur aussi du côté Marseille, Imhotep c'est quand même une personne importante. C'est le bâtisseur de pyramide. Je pense qu'on a oublié plein de monde. C'est l'injustice de ce genre d'émission qui ne dure que trop peu de temps. Voilà, effectivement, Imhotep bien sûr, grande dédicace. Pour n'oublier personne, déjà j'aimerais saluer aussi les gens avec qui j'ai partagé le parcours et moi déjà mon vrai compagnon de route au niveau du son c'est Géraldo, Géraldo, donc je le salue, qui a fait des gros morceaux, qui avait fait le premier album d'X-Men, qui avait ramené aussi une 111, il avait ramené aussi une part importante dans Mauvais Oeil, c'est lui, hein. Géraldo n'était pas là, il n'y avait pas de Mauvais Oeil. C'est vrai qu'il y avait une patte particulière quand t'écoutais, hein. Carrément. Parce qu'on oublie ça aussi, tu vois, cette couleur-là. Elle était aussi très musicale. Donc des morceaux comme Pas le temps pour les regrets, avec l'atmosphère, une fois de plus, Feyrouz qui a été samplé. Et après, je le retrouve aussi après dans le rassemblement. Et que ce soit les deux titres, KO Harmony ou le rassemblement, il a ramené cet univers-là du beatmaking, faut pas le sous-estimer. Chris Prolifique aussi, qui avait fait Chris Prolifique, très très important. Positive Energy, justement. Positive Energy qui est très très aérien et très positif et très coloré, c'est un classique. On a aussi aujourd'hui dans, justement, je pense que, je sais pas si vous pouvez me le dire pour vous, des gens comme Géraldo ou encore, il y avait quelqu'un de très important aussi chez Secteur A qui avait marqué une bonne époque. Jimmy Finger, bien sûr. Parce que c'est des gens pour vous qui ont été importants à un moment dans votre écoute aussi. Ouais, si, c'est des gens qui ont été importants. Après, moi, personnellement, pour la personne qui est vraiment importante et qui pour moi est entre toutes ces générations-là, c'est celui de Biwax. Ouais, moi, c'est une transition de dynastie et la couleur qu'on a aujourd'hui par rapport à la compo et tout ça. Celui de Biwax qui a aussi bossé avec NTM, qui a fait quelques prods pour NTM. Absolument. Mais, importante. C'est une logique parce que il y a une question de temps, il y a aussi une question de, on va dire, de culture aussi, parce que la scène rock, on va dire que Mitch a ramené, il y a aussi le côté très soul que Sulibé a ramené, qui a rendu la chose plus douce et plus musicale, et je pense que t'as raison, il y a une véritable transition. Une belle continuité, en tout cas, c'est cool. Je suis désolé, en tout cas, malheureusement, tout a une fin et aussi cette émission. Merci en tout cas aux beatmakers qui étaient là. Merci. Bravo à vous, toute l'équipe. Merci Olivier d'être passé. Merci. Un petit mot, attends, un petit coucou quand même. Attends, regarde. Il faut du dialogue, il faut de l'harmonie, tu l'as dit. Petite dédicace à nos amis du MOVE, où on te retrouve? Eh ben, écoute, absolument, tous les jeudis 23h. Merci de le rappeler. Olivier fait de la radio tous les jeudis 23h. C'est donc ce soir à partir de 23h. Yes. Eh ben, parfait. Merci à toi, Olivier, d'être passé. Avant de se retrouver demain à Lyon, fait tourner rapidement la roulette. Skyrock t'offre le jeu The Order 1886, plus la PS4 qui va avec. Émilie de Bordeaux, ça va Émilie? Ça va. Eh ben écoute, bienvenue, tu es prête à faire tourner la roulette, on y va, on speed? Y'a pas de problème. Allez, dès que tu veux, c'est parti Émilie, tu me dis stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... The Order 1886. Le jeu The Order 1886 est peut-être pour toi demain matin entre 6h et 9h dans le replay de Difool avec Vincent. La PS4. Tiens, je prends ton petit, ta petite fiche et je la mets dans le Bob Skyrock. Merci. Bisous, Émilie. Passe une bonne soirée. Merci à vous tous. Merci, Ali. Demain pour la dernière avec du live. Merci et un beaucoup. Titre inédit à merci découvrir. Olivier. Et c'est bon courage pour l'album, merci Ali. Beaucoup. Merci, Olivier, d'être passé. Merci à vous tous. Et là, on va retrouver Difool. C'est parti, c'est la radio libre. Eh ben oui, c'est parti. Merci à tous, là. Merci, yes. Fredo. Demain, salut, le retour de Planète Rap à 20h. Et là, c'est parti dans un instant. Radio libre, jeudi soir. Ça veut dire problème du mois. Hein, ouais. On a un super problème du mois. Attention, ouais. Un phénomène. Oui, et les geeks, vous qui nous écoutez, vous êtes à l'honneur. Les geeks arrivent. Et nous aussi, on arrive tout de suite sur Sky.